Chapitre 6. La poupée. Me différencier, se répéta Ophélie en caressant l'écriture de son grand-oncle sur la première page du livre, en espérant que ça te sera utile, gamine. Depuis le départ d'Archibald, Ophélie avait dressé la liste de ce qui la différenciait du vieil Éric, mais aucune ne jouait en sa faveur. Son conte était moins impressionnant, sa voix moins charismatique. Elle ne savait jouer ni d'un instrument de musique, ni utiliser un projecteur à illusion. Et grâce à Cunégonde, elle portait maintenant des oreilles d'âne. Ophélie sentit son estomac se replier sur lui-même alors que les applaudissements ovationnaient la fin d'un nouveau conte. Combien de plaques le vieil Éric avait-il encore à montrer ? Comme pour répondre à sa question, le majordome fit un passage furtif en coulisses. « Ce sera à mademoiselle, dans 10 minutes. Que mademoiselle se tienne prête !» Ophélie posa un regard affolé autour d'elle, à la recherche de quelque chose capable de lui changer les idées. Sur le guéridon voisin, il n'y avait que la bougie, le verre vide et des pages de gazette dont le vieil Éric s'était probablement servi pour envelopper ses plaques. Ophélie défroissa fébrilement l'une d'elles. C'était un ancien numéro du Nibelungen. La date remontait déjà à quelques semaines en arrière. « Attention aux cafards. Ils sont partout. Ils s'infiltrent dans nos demeures, dans nos existences, au cœur même du pouvoir. Ils sont la décadence personnifiée. Notre intendant, de la noblesse bâtarde, sa tante, une sinistre race en voie d'extinction. » Et les voilà maintenant qui introduisent à la cour dans le sein des saints une animiste sans éducation. Ne vous fiez pas à ces airs niais. Cette intrigante attendra que vous ayez les yeux ailleurs pour poser sur vos affaires ses petites mains fouineuses. Les étrangers, chers lecteurs, sont comme les cafards. Laissez-en un pénétrer dans votre maison et ils se mettront bientôt à pulluler. Et comme si cette invasion de nuisibles ne suffisait pas, les déchus demandent aujourd'hui à revenir parmi nous. Ces clans dégénérés auraient-ils déjà oublié les erreurs commises par leurs propres parents? De grâce, ressaisissons-nous et tenons tous ces cafards loin de notre prestigieuse citatielle. L'article était illustré par une gravure qui représentait Thorne. Le dessinateur avait rendu caricaturale la maigreur de ses jambes, la longueur de son nez et la grimace de sa bouche. Rappelons que la mère de monsieur l'intendant, aujourd'hui déchue, était hier encore la plus infâme des comploteuses, commentait la légende. Telle mère, tel fils. Ophélie déchira la gazette. Elle était tellement révoltée qu'elle en avait complètement oublié sa peur. Décadent, bâtard, étranger, nuisible, dégénéré, de quel droit ce directeur de journal traitait-il des êtres humains avec autant de mépris? Ophélie ignorait tout des déchus. Elle n'en avait encore jamais rencontré, mais elle gardait à l'esprit les paroles de Bérénilde quand elle lui avait expliqué la mécanique de ce monde. « Il y a les familles qui ont les faveurs de notre esprit farouque, celles qui ne les ont plus et celles qui ne les ont jamais eues. » Ophélie avait vu par elle-même à quel point il était facile de les perdre et de les gagner, ces faveurs-là. « Farouque voulait écouter une histoire animiste ? Eh bien, il allait l'entendre. « Mademoiselle la vice-comteuse ? Mademoiselle la vice-comteuse, répéta le majordome. Ophélie s'aperçut soudain que le plancher et sa chaise vibraient sous les applaudissements du public. La prestation du vieil Éric était terminée. C'est à moi? J'arrive. Le livre du grand-oncle sous le bras, Ophélie passa dans l'entrebâillement des rideaux noirs et se cogna au vieil Éric encombré de son accordéon et de sa lanterne magique. Sa longue tresse bleue qui mêlait cheveux et barbe ruisselait de transpiration. « À votre retour, à présent !» dit-il sur un ton de défi, en faisant vibrer chaque air. Quand Ophélie s'avança sur les planches de la scène, son trac était parti. En fait, elle avait la curieuse impression de ne plus rien ressentir du tout, comme si elle avait oublié ses émotions dans les coulisses. Le dispositif de projection avait été retiré. Maintenant que la toile blanche n'était plus là, Ophélie avait une vue panoramique sur les rangées des spectateurs qui s'étalaient du parterre au balcon. L'auteur de la lettre de menace se trouvait-il parmi eux? L'entrée d'Ophélie fut accompagnée par des murmures choqués. Ses oreilles d'âne n'y étaient certainement pas étrangères. Il n'y eut qu'un seul applaudissement pour l'accueillir. Ophélie ne la voyait pas. mais elle savait que c'était la tante Roselyne qui claquait ainsi des mains, malgré les toux embarrassés dans l'assistance. Personne d'autre ne se serait hasardé à exprimer le moindre signe de sympathie tant que Farouk ne l'aurait pas fait. « Ils veulent tous lui faire croire qu'ils tirent les ficelles, » pensa-t-elle. « Il n'est que leur pantin. » Ophélie s'avança tout au bout de la scène, les yeux plissés derrière ses lunettes. Comme elle l'avait supposé, Farouk était assis au premier rang. Encore qu'assis n'était pas le terme approprié. Il était couché en travers de 6 fauteuils. Sa tête était posée sur la robe de Bérénilde qui lissait ses longs cheveux blancs d'un geste maternel. Il fermait les paupières comme s'il s'était endormi. Sa grande main blanche tenait mollement un verre de lait qui menaçait à tout instant de se renverser. Transformée en couverture de diamants, les autres favorites s'étaient lovées où elles avaient pu le long de son corps gigantesque. À l'exception de Bérénilde, qui l'encouragea d'un mouvement de lèvres silencieux, tous les yeux luisaient de mépris. « Me différencier. » Ophélie s'agenouilla sur les planches, éteignit plusieurs bougies en soufflant dessus et, sous les murmures choqués, s'assit maladroitement au bord de la scène, ses jambes pendant comme si elle était installée sur une balançoire. Farouk était son seul public. Elle voulait être le plus près possible de lui. « Bonsoir, » dit-elle aussi fort que le permettait sa petite voix. Ophélie attendit les coups de bâton traditionnels qui annonceraient le début de la représentation, comme elle l'avait entendu faire pour le vieil Éric, mais comme rien ne vint, elle décida de se débrouiller seule. Elle frappa elle-même du talon sur le bois de la scène, jusqu'à ce que Farouk entrouvît une paupière. « Bonsoir, » répéta-t-elle en tenant son livre à deux mains. « J'ai ici un recueil de contes animistes que je viens juste de recevoir par la poste. Je n'ai eu que le temps d'en lire un. Ma prestation sera donc courte et peut-être pas très fidèle à l'original. Je vous demande par avance de m'en excuser. » Ophélie se concentra tout entière sur le premier rang, sur les genoux de Bérénilde, sur le visage somnolent, sur la paupière entr'ouverte, sur cette petite étincelle qui seule trahissait la présence d'un regard. Farouk était trop loin ou trop endormi pour qu'Ophélie pût ressentir sa présence psychique. Elle allait devoir forcer sur ses cordes vocales. « Il était une fois la poupée d'une petite fille, » se lança-t-elle. « C'était une poupée ordinaire, comme on en trouve beaucoup sur Anima. Elle battait des cils, levait les bras ou remuait la tête selon les humeurs de sa propriétaire. » Parmi les rangées arrière, là où la pénombre était le plus dense, une spectatrice cria « Plus fort !» Comme beaucoup de jouets animistes, la poupée avait fini par développer son propre caractère. Elle fermait les yeux si elle voulait être tranquille. Elle agitait les bras quand sa robe était sale. Elle faisait non de la tête pour exprimer son désaccord. Elle se mit même à marcher sur ses jambes articulées. « Plus fort !» cria quelqu'un d'autre dans la salle. Arriva le moment où la poupée en eut assez d'être une poupée. Elle ne se sentait plus à sa place sur une étagère. Elle ne voulait plus être le jouet d'une petite fille. Elle avait un rêve, son propre rêve. Elle voulait être une actrice. « Plus fort !» crièrent plusieurs voix à l'unisson, encouragées par le silence de Farouk. Une nuit, la poupée quitta son étagère, sa chambre et sa maison. Elle s'en fut seule par le monde sur ses jambes articulées. Elle ne pensait qu'à réaliser son rêve. La poupée finit par croiser la route d'une troupe de marionnettistes. Il y avait tellement de plus fort dans la salle à présent qu'Ophélie avait elle-même du mal à s'entendre. Et comme si l'ambiance n'était pas assez confuse, la tante Roselyne s'était dressée au milieu des rangées centrales pour applaudir furieusement. Ophélie était bien décidée à ne pas se laisser déconcentrer. Elle n'avait pas encore délivré son message à l'étincelle sous la paupière. Les marionnettistes imaginaient déjà le spectacle que ferait une poupée pareille et le profit qu'ils pourraient en tirer. Ils flattèrent la poupée. Ils lui dirent qu'elle était faite pour être actrice et qu'ils pourraient l'aider à réaliser son rêve. Et la poupée les crut sans se rendre compte qu'elle n'avait jamais été aussi poupée de sa vie. Ophélie se tut. Elle avait rarement prononcé autant de mots d'affilée et comme si ce n'était pas assez épuisant, les plus forts bourdonnaient dans toute la salle jusqu'à recouvrir sa voix. Blottis contre le corps de Farouk, les favorites criaient en chœur avec les autres. Bérénilde ne parvenait plus à cacher son désarroi derrière son sourire. Quand Ophélie vit la paupière de l'esprit de famille tomber comme un rideau sur l'étincelle du regard, elle sut qu'elle avait perdu la bataille. « Plus fort ! Plus fort ! Plus fort !» Il se produisit alors deux événements inattendus. D'abord, les favorites du premier rang se mirent à tomber, les unes après les autres, comme une pluie de diamants. Ensuite, le ver de lait vola à travers la salle et éclaboussa de blanc les visages bouche bée des rangées arrière. Tout s'était déroulé si vite qu'Ophélie mit un temps à comprendre ce qui venait de se passer. Farouk se tenait debout, culminant au-dessus des spectateurs de toute la hauteur de sa taille. Depuis la scène, Ophélie ne voyait de lui qu'un immense manteau impérial où la blancheur des cheveux se fondait dans celle de la fourrure. Jamais elle n'aurait cru Farouk capable de se déplacer avec une telle vivacité. Quand elle entendit le roulement de tonnerre qui lui faisait office de voix, elle fut bien contente de ne pas être à la place du public. « Coupez-lui la parole, encore une fois !» Farouk n'eut pas besoin d'en dire davantage. Le silence de stupeur qui était tombé sur la salle de théâtre faisait presque mal aux oreilles. Ceux qui avaient été aspergés de lait n'osèrent même pas s'essuyer. Avec une extrême lenteur, la tête de Farouk se détourna des spectateurs. Elle pivota sur son cou sans que le reste du corps bougeât d'un pouce, jusqu'à adopter un angle tout à fait alarmant. Seul un esprit de famille pouvait se contorsionner à ce point sans craindre de briser ses os. Quand la tête de Farouk se fut complètement tournée vers la scène, elle se révéla aussi inexpressive qu'à son habitude. Pourtant, ce seul regard donna l'impression à Ophélie que la foudre venait de lui traverser les oreilles. « Qu'est-il arrivé à la poupée ?» Ophélie avait tellement été prise au dépourvu par la réaction de Farouk qu'elle en avait oublié son histoire. Toutes les émotions qu'elle avait laissées en coulisses étaient revenues à la charge, dans un mélange indescriptible d'étonnement, d'épouvante et de fébrilité. Son écharpe, tout aussi intimidée, l'étranglait presque à force de se serrer autour de son cou. « Je vous raconterai la fin une prochaine fois, monsieur. » Les sourcils de Farouk remuèrent de façon infime. Ophélie n'aurait su déterminer si c'était là un signe de contrariété ou de réflexion, mais elle eut tout le temps d'entendre battre son cœur durant le long silence qui s'ensuivit. Si elle l'obtenait, cette prochaine fois, elle aurait remporté sa toute première victoire. Votre histoire, finit par articuler Farouk en découpant chaque syllabe. Je ne suis pas certain qu'elle me plaise vraiment. Mais vous voulez connaître la fin? Vous voulez savoir si la poupée restera le jouet des marionnettistes, n'est-ce pas? Ophélie espérait que le tremblement de sa voix ne s'entendait pas trop. Elle pouvait presque sentir l'hostilité du public lui picoter la peau, mais cette fois personne n'osa crier plus fort. Le corps de Farouk se tourna nonchalamment jusqu'à être enfin dans l'alignement normal de sa tête. Il s'avança vers la scène d'un pas si lent que le temps semblait se figer sur son passage. Plus il se rapprochait, plus la migraine d'Ophélie prenait des proportions dramatiques. Il s'arrêta juste à temps alors que la douleur se propageait dans tout le corps d'Ophélie sous forme d'intolérable névralgie. « Non, je ne veux pas connaître. La suite. Je n'aime pas cette histoire. Mais vous, ajouta-t-il d'un ton songeur, vous sonnez juste. » Aux chuchotis stupéfaits qui parcoururent aussitôt la salle de théâtre, Ophélie supposa que c'était là une sorte de compliment. Je vous nomme « Vice-conteuse, déclara Farouk. « je suis déjà vicomteuse. Ah, parfait. Nous éviterons ainsi de la paperasse inutile. Ophélie se cramponna des deux mains à son livre de comptes. Farouk lui faisait tellement mal qu'elle aurait voulu le supplier de parler un peu plus vite et de reprendre ses distances. Il déplia le bras, un geste négligent dont Ophélie comprit la signification, en voyant le jeune aide-mémoire surgir sur une cabriole pour lui remettre son pense-bête. Farouk trempa une plume dans l'encrier que l'aide-mémoire lui tendait, hissé sur la pointe des pieds, et se mit à écrire laborieusement. « Vous me raconterez une autre histoire demain soir, mademoiselle la vicomteuse. » Ophélie et son écharpe sursautèrent en même temps quand un tonnerre d'applaudissements s'éleva de toute la salle. Les gens qui criaient plus fort un instant auparavant s'étaient levés de leur fauteuil pour lancer des bravos et des baisers du bout des doigts. Alors que les lampes à gaz se rallumaient lentement, Ophélie ne vit plus Farouk qui refermait mollement son pense-bête, ni Bérénilde qui venait à sa rencontre dans un gracieux ondoiement de robe, ni la tante Roseline qui lui adressait d'amples mouvements d'ombrelle. Elle ne vit que Thorn, dans son grand uniforme noir, tout au fond de la salle, bien à l'abri des regards. Il n'applaudissait pas.